Prise d'assaut vous présente la 17e édition du festival BD Les Courants, les 6 et 7 juillet à Saint-Ouen-les-Vignes. Dès 10h, venez à la rencontre de plusieurs dizaines de dessinateurs, scénaristes, auteurs, coloristes et éditeurs. Au programme, dédicaces, animations pour les enfants, exposants et concerts. Gratuit, ouvert à tous, buvette et restauration sur place. Tout le programme sur lescourants.com.